On marche sur la tête, un nouveau concept. La guerre préventive, destruction massive, un peu de religion pour mettre la pression. De nouveaux ennemis, bon pour l'industrie. On fait peur aux bourgeois pour faire de nouvelles lois. Plus de sécurité pour encore mieux manipuler. Vous les mamans qui pleurez vos enfants, il faut fraterniser pour enfanter peut-être un jour la paix. On a tous envie d'un jour meilleur. Fini les crises et les torpeurs. Il faut toujours de l'espérance. À nous de savoir donner une chance. Savoir enterrer l'âge de guerre et partager la même terre. Il faut qu'un jour cela s'arrête. Que d'erreurs commises, ambitieuses bêtises, d'enfants sacrifiés, de vies bouleversées par des textes manipulés ou des preuves bidonnées. On promet le paradis, c'est l'enfer qui nous détruit. Avide de pouvoir, ils sont prêts à nous faire croire que les démons sont à côté et qu'il faut les écraser. Vous les mamans qui pleurez vos enfants, il faut fraterniser pour enfanter peut-être un jour la paix. On a tous envie d'un jour meilleur.